Jean Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. La plénière prévue ce lundi au dialogue interburundais à Arusha n'a pas encore commencé. Selon des informations provenant de l'hôtel Ngarudoto où se déroulent les travaux, cela est dû au fait que les travaux de compilation et de traduction des documents contenant les propositions des différents groupes ne sont pas encore terminés. Un sous-officier de la police a tué hier soir un agent de police et blessé un autre au cours d'une patrouille en zone Kanyosha de la capitale Bujumbura. Et certains députés mettent en doute le rôle joué par le fonds d'investissement communal. Vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. La plénière prévue ce lundi au dialogue interburundais à Arusha n'a pas encore commencé. Selon des informations en provenance de l'hôtel Ngarudoto, se déroulent les travaux. Cela est dû au fait que les travaux de compilation et de traduction des documents contenant les propositions des différents groupes ne sont pas encore terminés. Les mêmes sources indiquent que le facilitateur aurait voulu confier le rôle de modération aux anciens chefs d'État, Domitien Ndayizeye et Sylvestre Ntibantunganya. Une idée rejetée par une partie des participants qui veulent plutôt que ce rôle soit joué par la facilitation. Il est également prévu aujourd'hui un dîner entre 5 représentants de la partie gouvernementale, 5 représentants de l'opposition et 2 anciens chefs d'État autour du facilitateur Benjamin Mkapa. Et au chapitre sécurité, un sous-officier de la police a tué hier soir un agent de police et blessé un autre au cours d'une patrouille en zone Kanyosha de la capitale Bujumbura. Le porte-parole de la police explique que Nyiramheba était en état d'ivresse quand il a tiré sur ses coéquipiers. Pierre Ngurikiye confirme aussi qu'il y a 2 personnes qui ont été tuées par la population la nuit de samedi à dimanche en zone Benga de la commune Isale. Il précise que les auteurs de ce double meurtre sont recherchés par la police. On écoute le porte-parole de la police, Pierre Ngurikiye. Un brigadier de police qui s'appelle Ntiramheba qui a, par ivresse, tiré sur ses collègues APC Ndayiragije Bonaventure qui est décédé sur le champ. Et tandis que APC Hakizimana la désiré, lui, il a été blessé. C'était aux environs de 23h à Kanyosha, ici à mairie de Bujumbura. Le policier qui a commis ce crime a été immédiatement appréhendé par la police et son dossier suit son cours. Qu'est-ce qui explique que le meurtrier l'aurait fait à cause de l'ivresse? C'est le comportement qu'il affichait, le comportement pour lequel d'ailleurs ses collègues essayaient de lui dissuader, d'agir ainsi parce qu'il se comportait comme un ivrogne et il a alors commencé à tirer sur eux sans aucune autre explication. Et ils ne se sont pas chamaillés, il a juste tiré sur eux. Pourquoi alors les victimes ne se sont pas défendues? Dire que les victimes ne se sont pas défendues, d'autres éléments sont intervenus et ils ont maîtrisé le criminel. Sinon, s'il n'avait pas été immédiatement maîtrisé, il aurait peut-être tiré sur n'importe qui. Il y a d'autres personnes qui auraient été tuées dans la province de Bujumbura. Quels sont les auteurs de ce double assassinat? C'était aux environs de 3h du matin, la nuit du 2 au 3, dans la zone de Benga, en commune Isale de Bujumbura. Lorsque 2 voleurs, Hakizimana Adelin et Ndabakeshimana Eric, ont été surpris par la population avec 3 chèvres volées et déjà égorgé. Peu de temps après, ils ont été retrouvés morts. La police donc recherche très activement ce genre-là qui se sont rendus justice. Habituellement, les rondes nocturnes sont encadrées par les administratifs. Est-ce que parmi les personnes que vous recherchez, il y a cela? Normalement, les administratifs ne peuvent pas s'adonner à de tels crimes. Ceux qui sont recherchés, ce sont des criminels qui ont assassiné ces 2 personnes. Et ils sont identifiés. Peut-être maintenant, on ne peut pas préciser leurs identités, de peur que ça ne fasse pas les enquêtes. Sinon, ils sont bien identifiés et recherchés par la police. M. Pierre Nkurikiye, c'est le porte-parole de la police au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. Et un jeune homme a disparu dans les eaux du lac Tanganyika du côté de Kagongo. C'était ce dimanche, selon la police de Rumonge, Tuyiseng et Méthode était parti nager avec deux de ses amis quand l'incident est survenu, alors qu'une certaine opinion croit un sacrifice pour augmenter les prises. Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons Burundi, parle d'un accident qui survient même sur terre ou dans l'air. Le matin de ce lundi, le corps du défunt n'avait pas encore été repêché. Il est 13h02 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et un nouveau-né garçon âgé de plus ou moins 2 mois a été retrouvé hier soir à Kanyosha dans le quartier Moussama, à la rue communément appelée Rwirut, ce quartier, par la famille de Jérôme Bouyangé. Jérôme Bouyangé précise qu'il a fait savoir ce cas chez les administrateurs et attend ce qu'ils vont décider ensemble à propos de cet enfant. C'est hier, à partir de 18h30, j'avais des visiteurs ici que nous étions ensemble. Alors, environ de 19h, je les ai accompagnés. De mon retour, je suis venu jusqu'à la maison, j'ai toqué sur la porte. Je n'ai pas eu personne à m'ouvrir la porte, mais j'ai un peu contourné vers l'arrière de la maison. J'ai trouvé beaucoup de personnes, plusieurs personnes dans ma parcelle. Je les ai demandé. Ils m'ont dit, au lieu de nous demander ce que nous sommes en train de faire, plutôt donne-nous de la bière. Nous avons eu un nouveau-né ici. Alors je me suis demandé quel est ce bébé que nous avons eu. Madame m'a montré qu'elle a trouvé l'enfant endormi là-bas, qu'on avait déposé tout près de ma maison. Alors, mais le matin, je me suis réveillé tôt pour aller voir l'administration. Laquelle administration? Je les ai trouvés à Réunion. Je n'ai pas pu voir soit le chef de zone ou le chef de quartier, mais ils étaient au courant de la situation. Alors ils m'ont promis qu'après la réunion, qu'ils vont venir voir l'enfant et puis étudier ensemble comment faire cet enfant. Mais moi, personnellement, comme je n'ai pas du travail pour le moment, je souhaiterais le garder, mais comme je n'ai pas de travail, je demanderai à l'administration de voir comment le placer dans une association qui se charge des enfants. Merci. Voilà, c'était le témoignage de cette personne qui a retrouvé cet enfant. Et les cultivateurs qui ont semé le maïs sont préoccupés par des chenilles qui ravagent cette culture sur la colline Ngarama, en commune et province Ruyigi. Ces cultivateurs demandent qu'il y ait disponibilité de produits phytosanitaires efficaces puisque ceux habituellement utilisés se sont révélés inefficaces. La direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Ruyigi fait savoir que ce problème est commun pour les cultivateurs des autres communes et qu'il est déjà connu au ministère de l'Agriculture. Le service chargé de la protection des végétaux du ministère conseille aux cultivateurs de faire le ramassage de ces chenilles. Jean-Claude Chimiriman. Des feuilles de maïs portant plusieurs fenêtres et tiges dépourvues d'entonnoirs s'observent dans différents champs de maïs et sur la colline Ngarama en commune et province Ruyigi. Certains cultivateurs contactés disent que le maïs de cette saison culturelle A est plus que jamais ravagé par des chenilles qui, de plus, résistent aux produits phytosanitaires du Liban qui étaient habituellement utilisés comme moyen de lutte. Ces cultivateurs, visiblement désespérés, demandent aux instances publiques chargées de l'agriculture à tout faire pour rendre disponible dans l'immédiat un autre produit phytosanitaire efficace pour qu'ils puissent sauver les plants de maïs qui ne sont pas encore totalement détruits. Festus Nyabose, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, dit que les chenilles de son genre ravagent actuellement le maïs, même dans d'autres communes de la province Ruyigi. Il dit lui aussi que ces chenilles résistent aux produits phytosanitaires habituellement utilisés et fait savoir que le problème est déjà connu au ministère et à l'agriculture dans ses attributions. Eliakim Sakayoya, directeur chargé de la protection des végétaux au dit ministère, dit qu'il n'y a pas encore au Burundi de produits phytosanitaires efficaces contre son genre de chenilles. À cet effet, il conseille les cultivateurs à faire le ramassage de ces chenilles sur chaque plant de maïs visiblement attaqué et précise que c'est l'unique méthode de lutte efficace qui permet au maïs de poursuivre immédiatement sa croissance normale. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude Grogne, de certains enseignants du lycée Moussaigné dans la direction communale de Tangara en province Ngozi. Ils font savoir qu'après le test de recrutement des enseignants prestant ce lycée devenu d'excellence n'est pas transparent, ils demandent des éclaircissements sur des textes régissant tel personnel. Ces lettres que nous avons vues le 21 octobre sont signées le 11 septembre. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans cette réaffectation. À son arrivée de ces lettres, on a approché le DCE lundi le 23. Alors, nous avons exprimé nos inquiétudes. Notre demande, c'est de savoir ce qui se passe ou de savoir quelle loi va gérer les enseignants qui étaient dans les écoles auparavant. Maintenant, ces écoles sont devenues des écoles d'excellence. Quelle est la gestion des enseignants qui n'ont pas été retenus pour continuer à prester à ces écoles? Si ces enseignants sont gérés par la commission chargée des redéploiements, nous demandons que cette commission vienne sur terrain pour nous faire redéployer en bonne et due forme en suivant les critères, les cahiers des charges mis en place par la commission et les syndicats des enseignants. Voilà, c'était un des enseignants du lycée Moussigny. Malgré ses grognes, le directeur de l'enseignement commune de Tangara précise que ces quatre enseignants n'ont pas voulu s'exécuter. Même son de cloche au niveau de la commission chargée du redéploiement. Victor Ndabaniwe, son président, souligne plutôt que ces enseignants sont considérés comme des déserteurs et que les procédures administratives ont débuté. 8 des 12 enseignants se sont exécutés, ajoute Ndabaniwe, Victor, président de la commission nationale chargée du redéploiement. Certains députés mettent en doute le rôle du fonds d'investissement communal, FONIC, dans la contribution au développement. Lors de la présentation du projet de loi portant modification du code des marchés publics à la Chambre basse du Parlement en plénière, les élus du peuple ont fait savoir qu'ils partagent les mêmes préoccupations avec les administrateurs communaux. Domitien Diokougayo, ministre des Finances, a quant à lui expliqué que le FONIC ne remplace pas la commune, mais lui apporte un appui technique. Nibel Nibigila, reportage. Au moment où le ministre des Finances présente le projet de loi portant sur la modification du code des marchés publics à l'Assemblée nationale la fin de la semaine dernière, des interrogations pleuvent. Les députés veulent savoir où se trouve le rôle du fonds d'investissement communal dans le développement des communes, ce qui constitue les plaintes des responsables communaux. Nous nous sommes entretenus avec les responsables et les partenaires communaux. Ils nous ont fait savoir que les relations entre FONIC et les communes ne sont pas au bon fixe. J'aimerais que le ministre nous explique brièvement la contribution du FONIC dans le développement de la commune. Les communes ne voient pas son rôle. Ces élus du peuple mettent en doute les responsabilités de FONIC, comme ce député Amédée Misago. Je voudrais, moi aussi, savoir les responsabilités du FONIC. Parmi les obstacles auxquels les administrateurs communaux font face, il y a la gestion de la question relative au FONIC, surtout les cahiers de charges. Domitien Diokougayo, ministre des Finances, indique que le FONIC ne substitue pas la commune, mais qu'il a plutôt le rôle de l'appuyer. Le FONIC devrait rassembler les fonds pour en faire revenir au niveau de la commune pour la laisser se développer. Mais son rôle, à part la mobilisation des moyens afin de développer la commune, il a le rôle de soutenir la commune et non la remplacer. La commune peut contacter le FONIC pour l'appuyer techniquement. Ce code des marchés publics qui a été modifié n'avait pas été amendé depuis le 4 février 2008. Elinibel Nibigira. Et l'hôtel du docteur Jean Minani, président du Sénared, situé au chef-lieu de la province Kirundo, a été vandalisé. Le porte-parole de la police rejette tout mobile politique qui serait lié à ce forfait. Pierre Mourikié dit que tout a commencé quand les veilleurs à cet hôtel l'ont abandonné. Il précise que certains voleurs qui l'ont vandalisé ont été arrêtés et traduits en justice. Suivez-le. L'hôtel était gardé par une équipe d'employés, donc une société privée de l'hôtel, et qui y est restée. Donc c'est à cette équipe qu'il faut demander des comptes. Mais d'après les informations recueillies par la police, c'est que, faute d'être payé, ces employés auraient quitté clandestinement l'hôtel, laissant libre chat aux voleurs qui sont venus et qui ont volé pratiquement tout ce qui se trouvait dans cet hôtel. Est-ce que la police n'a pas arrêté ces voleurs? Et la police a des fois appréhendé des voleurs qui avaient des objets volés dans cet hôtel. Mais c'était au moment où elle faisait des patrouilles au chef-lieu de cette province. Et donc des fois, elle a appréhendé des gens qui avaient des voleurs qui transportaient des objets volés dans cet hôtel. Et elle a confectionné des dossiers qu'elle a transmis à la justice. D'après les informations recueillies par la police, certains ont été condamnés, d'autres, les procédures avancent normalement. Étant donné que l'hôtel qui a été détruit est un hôtel qui appartient à un politicien, est-ce qu'il n'y aurait pas des mobiles politiques pour cette destruction? Il n'y a aucun mobile politique. C'est comme si c'était vous, quand vous abandonnez votre propriété et que vous n'informez personne, que des bandits constatent votre absence et viennent piller dans votre maison. Est-ce que vous allez dire qu'il y a vraiment des raisons politiques? C'est un simple vol qualifié qui n'a rien de mobile politique derrière. Le président de la République avait déjà donné un mot d'ordre comme quoi les propriétés des gens qui ont fui le pays doivent être gardées. Pourquoi l'hôtel du docteur Jean Minani fait l'exception? L'ordre qui a été donné par le commandant suprême n'empêche pas que une garde privée puisse être mise en place par les propriétaires, ce qui était le cas pour l'hôtel de ce politicien-là, dans lequel il avait laissé une garde privée. Quand la garde a quitté, elle n'a averti personne, elle n'a pas dit à la police ou à l'administration, ou même aux voisins qu'elle a quitté la maison. Donc, s'il y a une garde privée qui décide unilatéralement de quitter l'endroit sans informer personne, si les voleurs viennent et pillent, on ne peut pas parler d'une exception à l'ordre qui a été donné par son Excellence le Président de la République. Pierre Ngurikiye, c'est le porte-parole de la police. Il était au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. Du sport, la sélection nationale de football du Burundi, Ntamba Murugamba, croise le fer dans l'après-midi de ce lundi avec la sélection ougandaise. Ce match s'inscrit dans le cadre de la Coupe de la CECAFA édition 2017 des équipes nationales des pays de l'Afrique de l'Est et du Centre. Dans cette 39e édition de la CECAFA qui se déroule au Kenya depuis ce dimanche, le Burundi est dans la poule B avec l'Éthiopie, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le point sur ce tournoi de la CECAFA avec Evariste Nzikobanyanga. C'est ce dimanche qu'a été ouvert au Kenya le tournoi de la CECAFA des équipes nationales des pays de l'Afrique du Centre et de l'Est. Ce tournoi, qui a vu la participation de 9 pays, a été débuté par le match qui a opposé Harambee Stars du Kenya et Amavubi du Rwanda. Ce match s'est soldé sur le score de 2-0 en faveur de Harambee Stars. Tous les deux buts ont été marqués au cours de la première période. La deuxième rencontre a opposé la sélection tanzanienne à celle de la Libye. Ce match comptant de la CECAFA 2017 s'est soldé sur le score nul de 0 buts partout. Un seul match est programmé dans l'après-midi de ce lundi. Les Ntamba Murugamba du Burundi croisent le fer avec la sélection ougandaise Uganda Cranes. Les 9 sélections qui participent à ce tournoi sont réparties en 2 groupes. Dans le groupe A sont à l'affiche le Kenya, pays hôte de la CECAFA, le Rwanda, la Tanzanie, le Zanzibar et la Libye. Dans le groupe B, il y a le Burundi, l'Ouganda, l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Les organisateurs de la CECAFA 2017, comme à l'accoutumée, ont invité d'autres nations qui sont hors de la communauté, à savoir le Zimbabwe et la Libye. Cette invitation n'a pas été honorée par le Zimbabwe. La Fédération zimbabwéenne de football a fait savoir que l'équipe n'a pas pris la destination vers le Kenya pour des raisons de sécurité. Un argument jugé non fondé par les organisateurs de la CECAFA qui ont cependant indiqué que la sélection du Zimbabwe ne s'est pas présentée suite au manque de moyens financiers. A noter qu'à la 39e édition, la sélection burundaise n'a jamais été sacrée de la Coupe de la CECAFA. Merci Évariste. La capitale burundaise Bujumbura abrite la 18e édition de la foire régionale artisanale regroupant les pays de la communauté est-africaine. Bonaventure Ngendakuriyo, directeur général de l'artisanat au ministère burundais du commerce, estime que c'est une occasion pour le Burundi et ses artisans de s'ouvrir aux autres dans la région. Suivez. Les foires spéciales déjà, ça porte une grande valeur ajoutée. D'abord, il y a des artisans qui font des échanges, il y a les artisans de pays de l'Afrique de l'Est qui se transforment des technologies, il y a aussi l'innovation. Donc, en d'autres termes, les artisans de tous les pays de l'Afrique de l'Est font des échanges, des expériences aussi, mais aussi font des innovations à partir des autres produits artisanaux qui sont venus être exposés à Bujumbura. Qu'est-ce que serait en train d'être fait pour que le secteur artisanal soit mieux développé au Burundi. De par le passé, effectivement, le secteur de l'artisanat était auparavant relégué au dernier plan par rapport aux autres secteurs économiques. Mais actuellement, le gouvernement du Burundi veut que ce secteur de l'artisanat puisse s'améliorer et se développer davantage parce que le gouvernement du Burundi a compris que c'est un secteur qui est parmi les autres secteurs économiques du Burundi. Et que aussi, c'est le secteur de base à partir duquel les industries puissent se développer à partir de l'artisanat, que ce soit l'artisanat, les petites entreprises artisanales, les micro-entreprises artisanales. Mais ce qui est en train de faire, bien sûr, nous avons une politique sectorielle, nous avons un plan d'action chaque année que nous exécutons, mais aussi nous avons d'autres politiques qui sont en train d'être élaborées, notamment un projet de loi registré de l'artisanat au Burundi. Il y a des stratégies, des politiques qui sont en train d'être élaborées pour que ces instruments puissent aider les artisans Burundi à se développer davantage. Voilà, c'était le directeur général de l'artisanat au ministère burundais du Commerce. Bonaventure Ngenakurio au micro de Léonce Vitalio. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, un rapport de l'ONG Human Rights Watch accuse des officiers supérieurs de la RDC d'avoir recruté clandestinement au moins 200 anciens rebelles du M23. Selon des informations de RFI, ce seraient des ex-rebelles exilés en Ouganda et au Rwanda depuis leur défaite dans l'est de la République démocratique du Congo en novembre 2013, recrutés pour étouffer les manifestations anti-Kabila de décembre 2016 et protéger le chef de l'État dont le mandat venait d'expirer. La répression qui, selon l'ONG, a coûté la vie à au moins 62 personnes entre le 19 et le 22 décembre 2016 était donc préméditée, assure l'ONG. Pour rédiger ce rapport intitulé « Mission spéciale », Human Rights Watch dit avoir travaillé 11 mois dans 4 pays, le Rwanda, l'Ouganda, la Belgique et la RDC, et mené plus de 120 entretiens, dont 20 ans avec d'anciens combattants, commandants et leaders politiques du M23. En Éthiopie, il se tient ce lundi une première réunion pour organiser le rapatriement des migrants de Libye. Cette réunion va rassembler l'Union africaine avec ses partenaires Union européenne, HCR et Organisation internationale pour les migrations. Et cette réunion fait suite à l'électrochoc provoqué par un reportage de CNN sur une vente aux enchères de migrants qui a entraîné une cascade de réactions politiques et diplomatiques. L'idée est d'installer une cellule opérationnelle en cadre pratique pour coordonner au mieux tous les efforts nécessaires à la prise en charge des migrants et plus particulièrement à l'évacuation de 15 000 d'entre eux de Libye d'ici la fin du mois de décembre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Toussaint Mitebouti, la mise en onde au micro, Jean-Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.